Mama Likelemba Kofi. Si vous avez la mambo, vous avez la maman Likelemba. Zamba na banyama. Chicane Zao. Accompagnez-nous jusqu'en haut. Allez, côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le côté, le Patron Posta Coulel Ornel Lukoki Salon Simao Kéri Kabengele Yete Linkoye Jennifer Caméléon Richesse Kapi Sabina Wanani Jimmy Achoki Babi Enzo Papa Nachanis Philippe Mbonga Ichunzita Claude Wonga le banquier Willy Tembela Walimo Jipe Maya Chouke Lomboto Bokulaka Zwa Mpomonyo Sochapa Muna Bolombo Shida Yibula Breken Bayaka Francine condamné à sa scène forme. Papi et Diana. Peter Kahn. Cédric Minga. Amina Mokonzi. Adela Minga. Francine Lutumba, Jimmy Achoko, Jericho la papa d'histoire, Asta Pink, Lady Sabijan, Patrick Sola International, Diamond Pink. Anderson et les tout panneaux géants. Willy Ford et Toka. Mama Jolie et Toka. Trésor Pembele. M16 Balondo. Francine Mbala. Jean-Marie Kikonda de 5G. Bérando Prince des Amunda. Arnold Nematiki Malela de Londres, les champions Flavien Gimbi Elisabeth Mambouta, la Bradford Fabrice Mola Drodeka Didier Chombo Betty Jésus Yadada Border Guyana des grands samaritains Vienne Anga Chavani Record La Dilou à la prime d'or Honorable Jean-Jacques Moutoualé Jipe Mindia Big Manager le touchable. Dani Mombo, Cléboa, Ichou Sampa, Destino Bilene, Ligue des Champions, Bernardo Titapoati, double zéro, Sisi Malamba, Yadie Bissengo, Bissengo na Bissengo, Odette Chibambe, femme d'affaires. Juna Mokonzi, Omuwaza, Papa, Nagoye Bayo, Nagoye Bayo, Soki Yosa Mokali, Hervé Tiangana, Umelana Komina, Maître Paul Mpoyo, Umelana Kokwaga, Yige Matadi, Sangu, L'avocat de Barabas, Yako Lanta Mbango Layo, Papi Boto, Noble, Japonais Suisse Irlande, Monsieur Franklin. Freddy Lyonnais, Martins Massinda, Elamba Nelamba, Trésor Lukusa, l'ingénieur d'Elix, Edon Sota, superviseur, Bichu Botoko, Mundele Ndombe, Paul Alex, le grand Nigérien Ingoni d'Afrique. Ika Sembayabo, Yoto Wesh Abissel, DJ Amarulo, DJ Irani, DJ Patrick, Naomi La Perlera, Linda Kinzo, Jules Siombele, Leader Pompidou Massiloa, Leader Chamasunda, Bichu Mbombo.